Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de cette édition de la mi-journée. Tout d'abord, veuillez nous excuser sur un petit retard. Et bien voilà, les titres de ce journal. Le concubinage chez les administratifs et la maison et l'interdisant restent en vigueur et concernent aussi toute la population burundaise. Ça a été dit ce vendredi par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre Ngurikiye. C'était lors d'une émission publique des différentes institutions. Et plus de 100 manuels scolaires de l'école fondamentale Bougoma, en commune Butaganzwa, province Kayanza, ont été volés. Vous suivez dans cette édition le reportage de Patrick Sengiumba et Arumongue. Les chefs des zones de collines sont priés de fournir des listes des responsables en situation d'union libre ou entretenant des concubines. Ce sera dans ce journal et actualité internationale. On va vous parler en Iran sur la mort du président de la République islamique Abou al-Hassan Bani Sadr qui est mort ce samedi. Voilà pour les titres. Namizana. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Eli Kadogo est à la manette, à la présentation. Vous êtes avec Jean-Marie Mayonga, ouvrant cette édition par la page éducation. Les plus de 100 manuels scolaires de l'école fondamentale de Rugoma, de la commune de Butaganzwa, c'est en province Kayanza, ont été volés. La plus grande partie était de la 9e année, constat de l'administrateur communal Kanyana Janvier, qui appelle à la population à redoubler de la vigilance en ce qui est de la protection des biens publics et la lutte de tout autre type de vol en cette localité, de quelque nature soit-elle. Patrick Sengiumba depuis Kayanza. Ce vol de manuels scolaires à l'école fondamentale Rugoma en commune Butaganzwa a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 au mois passé, selon Jean-Marie Barutwana, directeur à cette école. Il fait savoir qu'un groupe de bandits non encore identifié s'est introduit par effraction dans le bureau du directeur, volant ainsi 128 livres du tome 2 et tome 3, lesquels contiennent essentiellement la matière de différents cours, surtout ceux qui sont enseignés en 9e année, en dictionnaire et les postes de radio. Le directeur de l'école Fort Rugoma regrette qu'il est aujourd'hui difficile de saisir ses manuels scolaires volés à cette école, du fait que la direction n'avait pas encore mis du son de l'école manifestant qu'ils appartiennent à cette école-là, ajoutait-il. Ceux qui volent ces manuels scolaires pourraient avoir le marché des écoles fondamentales privées qui souffrent du manque de ces documents, estime le directeur communal de l'éducation à Butaganzwa, de même que Janvier Kanyana, administratrice communale. Cette autorité communale à Butaganzwa indique pourtant que les enquêtes sont en cours, pour appréhender ces voleurs, lesquels, selon elle, sont assimilables aux malfaiteurs qui ne cherchent qu'à faire reculer le secteur de l'éducation en cette localité. Jean-Pierre Kanyana indique qu'il pourrait y avoir de la complicité de la part des veilleurs de nuit à cette école, du fait que, d'après toujours elle, l'un d'eux a pris fuite le lendemain de son vol et il est encore recherché. L'administratrice de la commune Butaganzwa appelle la population à redoubler de la vigilance pour la protection des biens publics et surtout l'éradication de tout autre type de vol en cette localité de quelque nature soit-elle, et cela par le biais des comités mixtes de sécurité. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Isanganiro. Merci à toi Patrick Nsengiumba. Toujours dans le domaine de l'éducation, les directeurs d'école à régime et d'internat disent qu'ils ont des difficultés en matière de punition à donner aux enfants, surtout ceux de famille de Bujumbura, du fait qu'ils ont été éduqués en croyant que tout leur est permis. Ils ont dit cela ce vendredi à Bubanza dans un atelier avec tous les directeurs de la région Ouest et la CNDH. À la CNDH, on les rappelle à travailler en respectant la loi qui interdit le châtiment corporel. Arthur Kavabouchi. Les directeurs d'école qui étaient présents sont en général revenus sur le comportement de certains enfants qui sont à l'internat et qui viennent des familles, surtout de Bujumbura, qui sont difficiles à punir car même leurs parents viennent pour les accuser d'avoir malmené leurs enfants. Père Louis Gamasabo, recteur du petit séminaire de Kanyosha, dit que ses enfants sont gâtés. Pour nous qui recevons les enfants à l'internat, nous voyons que les parents, surtout ceux de Bujumbura, l'enfant grandit en pensant que c'est lui qui fait la loi dans la famille et qu'on doit exaucer ses devoirs. Arrivé à l'école, si on le punit, il lui est difficile de s'en remettre et de changer le comportement. Si on lui renvoie ou si on convoque ses parents, il vient pour lui défendre. Il y a alors une question de savoir la limite des droits des enfants, mais aussi ses devoirs vont jusqu'où. Anita Ndaira Guigé, directrice du lycée Reine de la Paix d'Ongagara, indique qu'aujourd'hui, il leur est difficile de savoir ce qui est ou pas permis à l'enfant. Aujourd'hui, il nous est difficile de comprendre qu'est-ce qui est ou n'est pas permis à l'enfant. On dirait que tout va en faveur de l'enfant. Actuellement, l'ancienne éducation que nous avons eue n'a plus de place. Nous sommes constamment en contradiction. Nous aimerions un éclaircissement de votre part. À toutes ces inquiétudes, un des cadres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme le rappelle au respect de la loi, que ce soit celle du pays ou celle se trouvant dans le règlement scolaire. La réponse est claire. Le châtiment corporel est interdit par la loi. Actuellement, c'est comme ça. Même dans les écoles, c'est interdit, n'est-ce pas? Si c'est interdit, et pour se protéger, respecter la loi. Dans cet atelier, il a été question des enfants qui sont arrêtés sur mandat à leur sortie de classe et qui vont être emprisonnés en uniforme à la CNIDH. Ils ont promis de suivre cela de près. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h passé de 5 minutes, le journal continue. La mesure interdisant le concubinage chez les administratifs reste toujours en vigueur et concerne aussi toute la population burundaise. Cela a été annoncé par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre Nkurikiye. Au cours de l'émission publique des porte-parole des différentes institutions publiques de ce vendredi, la question relative au manque de devises a été aussi évoquée. Plus de détails avec Yvette Nijimberi. Répondant à la question relative au manque de devises, le porte-parole du ministère des Finances, Larissa Douchimé, commence par expliquer la collecte et l'utilisation de devises au Burundi. Larissa Douchimé pose une solution pour avoir des devises. Aujourd'hui, nous avons peu d'exportations et nous avons peu de devises. Et cet argent est pour acheter les nécessités que le pays a besoin. C'est pourquoi vous entendez qu'il n'y a pas de devises. Mais cette question, ici, dans notre pays, a une solution. Nous sommes appelés à augmenter la production. À elle, a été aussi posée la question de savoir le plus-value de la fermeture des bureaux de change sur la disponibilité de devises au Burundi. Larissa Douchimé indique que cela figure dans les responsabilités du gouvernement. Le fait que le gouvernement a pris la décision de fermer les bureaux de change, c'est sa responsabilité. Je dirais que c'est une décision qui vient parce que dans le fonctionnement de ces bureaux, c'est marqué des irrégularités. Aujourd'hui, la mesure qui est en vigueur, c'est que ces bureaux ne fonctionnent pas. Si ces changeurs continuent à travailler, ils seront sanctionnés. Au cours de cette émission, le porte-parole du... On s'excuse sur cet élément sonore. Continue cette édition par la page Société à Lomongue. Les chefs de zone et de colline de la commune Lomongue doivent fournir les listes des responsables en situation d'union libre ou entretenant des concubines afin de les limoger. Jemé Bizima, un administrateur communal de Lomongue qui exige ces rapports avant le 15 octobre courant, prévient que les auteurs de faux rapports seront punis. Reportage de Jean-Pierre Misago. Dans une correspondance de ce 7 octobre courant adressée au chef de zone et de colline de la commune Lomongue, Jérémy Bizimana, administrateur communal de Lomongue, leur demande de dresser des listes des administratifs en situation d'union libre ou qui entretiennent des concubines ou des concubins sans faux fuyant afin de les suspendre de leurs fonctions. L'administrateur communal de Lomongue ordonne que ces listes laissent apparaître l'identité de l'administratif concerné et seront dans l'administration l'homme ou la femme avec qui il est en union libre, son concubin ou sa concubine. En plus de ces listes des administratifs sous menace de suspension, des listes des autres personnes en union libre est exigée et toutes ces listes doivent parvenir à l'administrateur communal de Lomongue avant le 15 octobre courant. Tout administratif qui fournira un faux rapport en sera puni, avertit l'administrateur communal de Rumonge dans cette correspondance. Kachindi Sylvain, chef collinaire de Mutambara, affirme avoir reçu cette correspondance. Il affirme qu'il avait déjà limogé un administratif qui s'est rendu coupable de polygamie, même avant que le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique ne prenne cette mesure. Il ne reste pour lui que de dresser la liste d'autres personnes en union libre sur sa colline. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci à toi Jean-Pierre Misago. Venons sur la nouvelle et sur la mesure interdisant le concubinage chez les administratifs et qu'elle est toujours en vigueur et concerne aussi toute la population burundaise. Cela a été annoncé par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre Nkurikiye, au cours de l'émission publique des porte-parole des différentes institutions publiques. C'était ce vendredi et la question relative au manque de devises a été aussi évoquée. Plus de détails avec Yvette Lijimbele. Répondant à la question relative au manque de devises, le porte-parole du ministère des Finances, Larissa Douchime, commence par expliquer la collecte et l'utilisation de devises au Burundi. Larissa Douchime pose une solution pour avoir des devises. Aujourd'hui, nous avons peu d'exportations et nous avons peu de devises. Et cet argent est pour acheter les nécessités que le pays a besoin. C'est pourquoi vous entendez qu'il n'y a pas de devises. Mais cette question, ici, dans notre pays, a une solution. Nous sommes appelés à augmenter la production. À elle, a été aussi posée la question de savoir le plus-value de la fermeture des bureaux de change sur la disponibilité de devises au Burundi. Larissa Douchime indique que cela figure dans les responsabilités du gouvernement. Le fait que le gouvernement a pris la décision de fermer les bureaux de change, c'est sa responsabilité. Je dirais que c'est une décision qui vient parce que dans le fonctionnement de ces bureaux, c'est marqué quelques irrégularités. Aujourd'hui, la mesure qui est en vigueur, c'est que ces bureaux ne fonctionnent pas. Si ces changeurs continuent à travailler, ils seront sanctionnés. Au cours de cette émission, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre Nkurikiye, a indiqué qu'une enquête est en cours pour connaître les administratifs en situation de concubinage ou en union illégale pour les suspendre dans leurs fonctions. Le ministre a demandé une enquête pour voir s'il y a des administratifs en situation de concubinage ou en union illégale et le suspendre de leurs fonctions. Cette mesure est irréprochable. Cette mesure a commencé par les administratifs jusqu'aux élus locaux. Donnez-nous des informations pour que tous ces administratifs soient suspendus. Ils ne peuvent pas servir de modèle ou donner ce qu'ils n'ont pas. Pierre Nkurikiye a signalé que cette mesure sera appliquée dans les jours à venir à toute la population pour décourager ce comportement dans tout le pays. Merci à toi, Yvette Nijimbele. Actualité internationale en Iran. Le premier président de la République islamique, Abol Hassan Bani Sadri, est mort ce samedi dans un hôpital parisien, a annoncé l'agence officielle iranienne IRNA. À la suite d'une longue maladie, Abol Hassan Bani Sadri est mort à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, affirmé l'agence citant une source proche de l'ancien chef d'État décédé à l'âge de 88 ans. Et la journaliste philippine Maria Ressa a déclaré ce samedi que son prix Nobel de la paix était destiné à tous les journalistes du monde, tout en promettant de poursuivre son combat pour la liberté de la presse. Comme nous le disons sur le site de la RFI, après la déclaration à la AFP, elle a dit que c'est vraiment pour tous les journalistes du monde entier. Maria Ressa, critique virulente du président philippin Rodrigo Duterte lors d'un entretien. Et bien voilà, c'est parce que nous mettons un point final à ce journal. Mais juste après ce journal, vous aurez droit à la revue de la presse. Eric Kadogo reste toujours à la manette. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Bon week-end chez vous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Impôts secs pour désenclaver le pays, rapporte Burundi Echo. En effet, écrit ce journal, la Tanzanie a promis au Burundi un terrain de 10 hectares pour construire un port sec dans la localité de Kwala, à environ 2 heures du port de Dar es Salaam, comme l'a déclaré Jeanne Mukenguruka, porte-parole du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux. À la fin du mois d'août 2021, une commission interministérielle s'est rendue en Tanzanie pour visiter ce terrain. Les autorités habilitées disent attendre les documents relatifs à cette promesse au plus tard le 30 octobre pour de probables approbations. Le recouvrement des frais scolaires devient de plus en plus difficile, s'inquiète la voix de l'enseignant. Depuis que la direction provinciale de l'éducation à mairie de Bujumbura est interdit aux directeurs des écoles, aussi bien publiques que privées, de ne plus chasser les élèves pour motif du non-paiement des frais scolaires, le recouvrement de ceux-ci est devenu difficile. Un directeur d'école privée a peur qu'il soit impossible de payer le personnel à temps par manque de fonds, surtout les enseignants vacataires qui, après avoir totalisé les heures prestées, doivent être payés à la fin du mois. Pour que les élèves ne passent pas toute une année sans payer, un responsable de l'éducation communale propose une entente entre les écoles et les parents pour fixer les modalités de paiement. Faire enregistrer sa terre est un moyen de la sécuriser, écrit l'agence burundaise de presse. Selon le secrétaire ad intérim de l'Organisation pour l'autopromotion OAP, en sigle cité par son confrère, la mise en place des services fonciers contribue à la promotion de l'accessibilité géographique et financière des 10 services, de la cohésion sociale à travers la prévention et la réduction des conflits fonciers et l'amélioration de la production et le développement économique par un investissement durable sur le capital terre. L'ABP précise que c'est l'OAP qui a appuyé les communes de la province de Bujumbura, sauf la commune Isaré, dans la mise en place des services fonciers communaux. Revue de la presse. Dur d'éradiquer le concubinage, constate l'éditorialiste du journal Iwachu. Ce journal rappelle la correspondance du ministre en charge de l'Intérieur demandant au gouverneur de province d'enclencher des procédures de suspension de leurs fonctions les administratifs en situation d'union illégale, concubinage, une correspondance différemment appréciée. Une opinion estime que c'est une avancée car les administratifs sont aussi impliqués dans ces pratiques. Mais, note toujours cet hebdomadaire, une autre opinion se demande si la mesure ne frappe que ceux qui sont hiérarchiquement en dessous des gouverneurs. Si la question concerne les administratifs, s'interroge son confrère, quid des ministres, des ambassadeurs, des députés, des sénateurs, ils risquent de se pratiquer le deux poids, deux mesures. Il se demande aussi s'il n'y aurait pas des intouchables et des victimes directes pour diverses raisons. L'éditorialiste de cet hebdomadaire n'est pas de ceux qui citent Napoléon. Les concubins se passent de la loi se désintéresse d'eux. Il estime et encourage une approche beaucoup plus pédagogique en vue de décourager le concubinage, la loi étant récente, car promulguée le 22 septembre 2016. 5 suspects des réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie ont été tués dans la nuit de mardi 5 octobre par la police tanzanienne dans la commune Kibondo, rapporte l'agence Net Press. Ce journal rapporte qu'ils ont été tués en possession de 2 fusils, des machettes et de 3 grenades, et précise encore que dans une conférence de presse tenue à cet effet, James Manyama, commissaire provincial de la police de Kigoma, a indiqué que les présumés malfaiteurs ont été tués dans la localité de Lusoroka, à 15 km du camp des réfugiés burundais de Nduta. Armés de fusils, avec un âge variant entre 25 et 40 ans, ils s'apprêtaient à tendre une embuscade pour spolier de l'argent à tous les véhicules passants et les choses ont tourné vers l'irréparable car ils ont tendu une embuscade à un véhicule de la police tanzanienne, souligne toujours son quotidien en ligne. Ainsi s'achève cette revue de presse préparée et présentée par Vestine Butoyi et Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.